Chapitre 4. De jour en jour, la conduite de Dastorre étonnait plus vivement tout le monde à la villa. Il ne cachait pas du tout l'intérêt qu'Elisa Valenti lui inspirait. Trop souvent, il se plaçait près d'elle ou la regardait de loin. Elle semblait gênée par la persistance qu'il mettait à s'approcher d'elle, et sa tristesse ne diminuait pas pour cela. Cependant, elle n'était pas avec lui tout à fait comme les premiers jours. Massimo n'avait pas l'air de lui faire la cour, et elle, encore moins, de l'accepter. Mais il y avait entre eux quelque chose de caché. Plus que les autres, la maîtresse de maison s'étonnait de ce qu'elle appelait, à part elle, le manque de tact de son neveu. Massimo ne se donnait plus la moindre peine pour cacher la profonde antipathie dont M. Gorletti était pour lui l'objet. Quant à M. Gorletti, il le lui rendait bien, quoiqu'il fût extérieurement d'une politesse parfaite. Madame Valenti seule semblait ne s'apercevoir de rien. Depuis le départ de son mari, qui avait promis de revenir, elle était devenue plus sévère avec sa fille, bien qu'à sa manière, capricieusement, elle eut tout à coup des élans de tendresse exagérés au point de l'embrasser passionnément en public. Avec Dastorre, elle posait toujours, par moments froides et cérémonieuses, puis d'un instant à l'autre d'une amabilité excessive, non exempte de coquetterie. Elle savait du reste merveilleusement se rajeunir et faisait de grandes toilettes que la marquise déclarait absurdes. Elisa elle-même ne comprenait pas trop l'attitude de Dastorre à son égard. Toujours elle le priait de ne rien essayer pour elle, de laisser son sort s'accomplir. Il ne lui répondait qu'en riant et continuait de la même manière. Il voulut être tenu au courant de tout ce qui se passait entre elle et sa mère. Il sut, par elle, un soir, que dans 2 jours le mariage serait officiellement annoncé. Aussitôt après, M. Gorletti devait partir. Elle et sa mère resteraient encore 1 semaine à la villa. Pendant qu'il arrangerait ses affaires, puis ils se retrouvaient tous à Milan où le mariage aurait lieu. Le lendemain, tout de suite après le déjeuner, on partit pour une longue excursion en voiture. Comme par hasard, Massimo prit place à côté de Madame Valenti et fut très assidu auprès d'elle. Il causa beaucoup et elle semblait prendre un vif intérêt à la conversation. Par une manœuvre habile, il avait presque forcé Gorletti à s'asseoir sur le siège à côté de Terzi qui conduisait, tandis qu'Elisa avait pu monter dans une autre voiture avec la marquise, le docteur et le peintre. Une grotte naturelle, profonde et obscure, où murmurait une source dont le mince filet d'argent rayait perpétuellement à la pénombre et dont on allait boire l'eau glacée et d'une incomparable pureté, était le but de la promenade. On y arrivait par une étroite vallée verdoyante qui, brusquement, à un tournant de chemin, prend un caractère alpestre et sauvage et se donne un faux air de Suisse. Sous un haut rocher à pic, tout humide de mousse noirâtre, est l'étroite ouverture, trou noir béant dans lequel il faut s'aventurer. Le charme consiste en ceci, qu'en sortant par une autre ouverture du côté opposé à la montagne, l'on trouve un paysage tout différent, riant et légèrement accidenté. Une troisième sortie est pratiquée à mi-chemin dans le flanc du rocher. Massimo entra le premier. Madame Valenti prit le bras de Gorletti. La marquise et Elisa pénétrèrent timidement, escortées par les autres. On ne causait plus. De temps en temps, un cri, un éclat de rire étouffé, une question pressée, et voilà tout. Chacun regardait à ses pieds, quoiqu'on y vît goutte, et pensait à soi. Le docteur tomba 2 fois. « Par ici, mesdames, criait le peintre, n'ayez pas peur. Il n'y a que les premiers 10 pas qui coûtent. Après, le chemin est facile. » Elisa, préoccupée, marchait péniblement sans trop savoir où elle allait. Tout à coup, elle se trouva perdue. Elle tâcha de s'orienter et n'y parvint pas. Les autres étaient loin, elle ne les voyait plus. Elle ne voulut pas appeler. Après un instant d'incertitude, elle entendit un bruit de pas qui revenait vers elle. « Par ici, » dit une voix. « Par où ? Donnez-moi la main et ne craignez rien. » Elle reconnut la voix de Massimo. « C'est cela. Laissez-vous conduire. laissez-vous toujours conduire par moi. Je préférerais être dehors. Vous y serez en 2 minutes, voilà. Voyez-vous la lumière ? Un instant après, ils étaient à l'ouverture de côté. « Et les autres ? » fit-elle. « Ils ont traversé la grotte dans toute sa longueur. Nous allons faire le tour et nous les rejoindrons dans 3 minutes. Mais reposez-vous un instant d'abord, vous êtes fatigué. » Et il continua, après une courte pause. « Ne soyez pas découragé. Je suis très gai, au contraire. Tout va bien, rassurez-vous. À propos, il faut que je profite de cette minute pour vous faire une déclaration. » « Signora Elisa, je ne vous aime pas, pas le moins du monde. Ne l'oubliez pas et ne craignez donc rien. Mais je vous sauverai. » Leur arrivée à l'autre entrée de la grotte fut accueillie par une foule de questions, mais la marquise avait l'air fâchée et Gorletti se tenait à l'écart. Massimo paraissait s'amuser beaucoup. Au retour, il reprit sa place à côté de Madame Valenti et la fit rire aux éclats pendant tout le chemin. Parfois, il interpellait M. Gorletti, toujours sur le siège, le forçant à se retourner et à rire aussi. Dans l'autre voiture, on ne parlait presque pas. Elle contemplait le paysage assombri dans la pourpre du soleil couchant. Il commençait à faire froid, et une teinte grise s'étalait sur la route, sur les arbres, un manteau de mélancolie invitant au sommeil, tandis que dans les lointains, les chaudes couleurs de l'horizon faisaient rêver. Involontairement, elle admirait, tout en laissant ses pensées indistinctes et pénibles se modifier selon les différents aspects du ciel. Que voulait d'Astore, pensait-elle? Comment s'imaginait-il pouvoir la sauver? Aucune espérance n'était possible. Son sacrifice pouvait être retardé, mais on ne pouvait s'y soustraire. Cependant, plus que jamais, cela lui semblait impossible et l'idée lui traversait l'esprit que quelque chose arriverait peut-être. Mais quoi? Les ténèbres s'épaississaient autour d'elle, graduellement et sûrement, comme on les voyait peu à peu s'étendre sur la campagne. Quelle issue pourrait s'ouvrir? Après dîner, Madame Valenti s'approcha de la marquise et lui dit qu'elle était un peu inquiète pour Elisa, qui n'avait pas l'air de se bien porter, et se retournant vers elle. « Mon enfant, tu es pâle et tu n'as rien mangé aujourd'hui. » « Sois bien sage et va te coucher. » En prenant des précautions quand il est encore temps, on évite parfois une maladie. « Bah, ma chérie, je viendrai te rejoindre bientôt, car je suis très fatiguée aussi. » Elisa ne fut pas fâchée d'obéir. Sa mère la suivit promptement en effet et s'assit au pied du lit. Là, elle lui tint un discours qui, certes, ne fut pas sans l'étonner un peu. Elle lui dit que Gorletti était impatient et désirait vivement qu'on annonçât leur mariage avant de quitter la maison de la marquise, car de toute façon, des affaires pressantes l'appelaient en ville le surlendemain. « Mais, ma chérie, puisqu'on a attendu si longtemps et que la chose est décidée, n'est-ce pas? Entre nous, je ne vois pas pourquoi on n'attendrait pas encore quelques jours. Tu te porterais mieux, et tu serais plus forte pour supporter la corvée des compliments, des visites, des préparatifs, etc. » Car vraiment, ta santé m'inquiète un peu et tu as bien mauvaise mine aujourd'hui. Lui, de son côté, aurait fini ses affaires et nous irions tous en ville, ce qui aussi vaut peut-être mieux. En attendant, soigne-toi bien et tâche de reprendre des couleurs. Sais-tu même ce que tu ferais si tu voulais suivre mes conseils? Tu ne quitterais pas ta chambre pendant un jour ou deux. Il comprendrait alors que j'ai raison, que tu as réellement encore besoin d'un peu de repos et qu'il doit modérer son impatience. Et il te retrouverait mieux portante et plus calme. Je ferai tout ce que tu veux, répondit Elisa avec une résignation qui lui était facile, et un vague espoir se fit jour dans son cœur malgré elle. Madame Valenti eut le lendemain une longue conversation avec son futur gendre, et le surlendemain il partit. Monsieur Valenti, en arrivant comme il l'avait promis, fut un peu étonné de ce départ. Elisa ne descendit que le 3e jour à déjeuner. Le docteur, qui était monté la voir et lui avait ordonné des remèdes qu'elle n'avait pas pris, lui avait même fait garder le lit pendant 24 heures, lui trouvant un peu de fièvre. Elle avait aussi vu la marquise assez souvent et le reste du temps avait été abandonné à ses réflexions. Ne plus voir les yeux de Gorletti fixés sur elle à travers la table lui causa un si grand soulagement qu'elle sentit plus que jamais le poids terrible du sacrifice qu'on voulait exiger d'elle, Tout son sang se figeait dans ses veines à l'idée de devenir la femme de cet homme. Un inexplicable sourire passa sur le visage de Massimo lorsqu'il apprit ce qui s'était passé entre elle et sa mère. « C'est bien, » dit-il, « je m'y attendais. » Et pendant qu'on causait un peu bruyamment autour d'eux, il ajouta « Le médecin ne vous permet pas encore de sortir, n'est-ce pas ?»« Non, je n'en ai pas la moindre envie, du reste. »« Tant mieux, j'ai à vous parler, longuement. » Lorsque, plus tard, ils se retrouvèrent seuls, dans le même boudoir où, pour la première fois, Massimo l'avait surprise dans un accès de désespoir, Elisa ne put s'empêcher de lui dire que, malgré ce nouveau retard, elle n'espérait rien. « Vous avez tort. Vous rappelez-vous qu'à cette même place où nous sommes, lorsque je vous ai déclaré que j'empêcherais ce mariage, vous m'avez assuré que c'était impossible, que je n'obtiendrais même pas un nouveau sursis. Je vous fais respectueusement observer aujourd'hui qu'on est venu au contraire, pour ainsi dire, vous le demander, ce sursis, et que M. Gorletti n'est plus là. Il avait même une drôle de mine en s'en allant. Il reviendra. C'est en vain que vous essayez toujours de me donner de l'espoir. Ce mariage est bien décidé. Non, ce mariage ne se fera pas. Il est rompu. Je n'ai qu'un mot à dire pour cela. Cet homme est parti pour ne plus revenir. Son départ et tout ce qui vient d'arriver, vous auriez peut-être pu vous en douter, est mon ouvrage. J'irai jusqu'au bout. Longtemps, j'ai cherché un moyen pour vous sauver, et je l'avoue, sans résultat. Mais j'ai trouvé enfin. C'est un moyen tout simple, quoique un peu violent. Et quel est-il, ce moyen? Vous allez le savoir. Mais laissez-moi vous dire encore quelques mots auparavant. Pardonnez-moi d'être forcé de vous parler trop de moi-même. Vous ne me connaissez encore que très mal et je le crains, je vous fais encore peur, bien que vous sentiez que je suis votre amie. Mais vous êtes intelligente. Vous êtes un vivant exemple de cette vérité méconnue, qu'on peut avoir une âme élevée et un cœur pur et tout deviné, cependant. De plus, vous êtes moderne, et pour votre âge, vous avez vu bien des choses. Vous pourrez donc ne pas vous effaroucher de ce que j'ai à vous proposer. Rien n'est possible, vous dis-je. Ne m'interrompez pas, et écoutez, je vous prie. Je suis seul au monde, je n'ai plus de parents, et personne n'est plus libre que moi. On me connaît partout, je connais beaucoup de monde, il y a des gens qui se disent mes amis, et j'en ai fort peu. Il paraît aussi que j'ai des ennemis. J'ignore absolument à quoi je dois cet honneur. Rempli de défauts, j'ai cependant observé que quand j'ai suivi mon premier mouvement, j'ai toujours bien agi. Ce qui prouve qu'en moi l'instinct est peut-être supérieur à la raison. Je mène une vie assez irrégulière et qu'il me serait difficile de vous décrire. Je résiste difficilement à mes caprices. Parfois, je reste longtemps à la même place sans qu'on sache pourquoi. Puis je pars brusquement, je vais où le sort me pousse. Du reste, je manque absolument de principe et je crois à fort peu de choses. Vous voyez que je ne me fais pas meilleur que je ne suis. Maintenant, savez-vous à quoi je suis parfaitement décidé? C'est pour mon compte, à ne jamais me marier. J'ai mes raisons pour cela. Je déteste le mariage. Ensuite, bien des choses me sont indifférentes et je renoncerai sans peine à beaucoup d'avantages, mais à quelque prix que ce soit, je n'abdiquerai jamais mon indépendance. Et je l'estime si hautement que jamais, sous aucun prétexte, je ne m'attaquerai à la liberté d'un autre. Donc, j'exclus pour moi le mariage. Je me soucie de mon nom qui finira avec moi et de ma fortune qui passera dans les mains étrangères comme du grand turc. Les choses sociales me touchent fort peu et je ne m'émeus pas beaucoup plus de ce qui me regarde personnellement. Je tâche de m'ennuyer le moins possible, même si pour arriver à ce résultat, je dois m'intéresser à des choses absurdes. Et quant à ce qui se passe dans le monde, je regarde cela comme un spectacle de ma stalle, qui est certes une des meilleures. Si je puis être utile à quelqu'un, je le fais avec plaisir. Je donne rarement mon amitié, mais je la donne sans réserve. Quant à ma fortune, elle est très grande. La fortune d'un lord anglais à son aise, richesse immense en Italie. Il ne m'a pas été possible de me ruiner, quoique j'y mets la meilleure volonté. Maintenant, je n'essaie plus. De ce côté, je me suis rangé. J'ai donné un démenti à tous ceux qui prétendaient, dans le temps où je dépensais toujours le triple de mon revenu, qu'aucune fortune n'aurait jamais pu me suffire, en leur montrant qu'avec 20 millions seulement, je ne fais plus de dettes. Je suis heureux de vous faire sourire. Oui, mais tout cela ne m'apprend pas. Attendez. Voilà à peu près qui je suis. Croyez-vous encore que ceux qui disent tant de mal de moi aient tout à fait raison? Vous défiez-vous encore de moi? Non. Je crois au contraire que vous êtes meilleur que vous ne paraissez. Ce n'est pas cela. Je suis exactement comme je parais à ceux qui me comprennent un peu. Mais venons-en au fait. Vous pouvez peut-être maintenant n'être pas trop étonné en apprenant le moyen que j'ai trouvé pour vous sauver. Il faut d'ailleurs l'accepter pour cette excellente raison, qu'il n'y en a pas d'autre. Eh bien, dites-le-moi enfin, je vous épouse. Élisa regarda son interlocuteur fixement, rougit, essaya de sourire et dit enfin « Il me semble que le moment est mal choisi pour plaisanter. Vous venez d'ailleurs d'affirmer que vous êtes décidé à ne jamais vous marier. » Et c'est par cela même que je puis vous offrir ma main. Massimo ne plaisantait pas. Il expliqua son idée à Élisa qui l'écoutait, muette d'étonnement. Il ne serait marié que pour le monde. Lui engageait sa parole de gentilhomme de n'être jamais pour elle qu'un ami. Elle serait complètement libre et elle aurait toujours toute son estime. Tout se réduirait à ceci. Ayant vainement cherché un autre moyen convenable d'empêcher son mariage avec Gorlati, il avait pensé que le mieux était d'offrir à Élisa une position indépendante et toute la somme de bien-être qui peut rendre dans la vie l'absence de bonheur moins poignante. Mais il ne pouvait faire cela, selon les lois du monde, sans y ajouter son nom. Et il le lui donnait sans le moindre sacrifice, car, de cette façon, il faisait un excellent usage d'une chose qu'il était bien certain de ne jamais songer à placer autrement. On sauvegarderait les apparences autant que possible, sans toutefois s'en inquiéter outre mesure, et dès qu'il serait installé dans sa nouvelle vie, il reprendrait son existence habituelle. Ce projet le charmait. Reconnaissant s'il lui faisait l'honneur d'accepter, il serait heureux d'accomplir un acte très simple, dont peut-être personne n'avait encore jamais eu l'idée. Vous m'avez répété plusieurs fois, sans exactement me dire pourquoi, que vous n'attendiez plus rien de la vie, et que vous cherchiez la paix seulement. Eh bien, je vous offre un palais à Florence qui sera à vous, et où vous serez mieux que dans un couvent. La tranquillité avec les distractions que vous voudrez choisir. Enfin, un mariage qui n'en est pas un, et mon amitié. Si vous aviez un jour besoin d'un conseil, je saurais peut-être vous en donner de pas plus mauvais qu'un autre. Dans un certain sens, il est impossible d'être plus fait l'un pour l'autre que nous le sommes. Puisque nous ne voulons pas nous marier ni l'un ni l'autre, chacun pour nos raisons particulières, marions-nous ensemble pour la galerie. De mon côté, j'y trouverai aussi des avantages, ne fût-ce que d'empêcher une bonne fois qu'on ne vienne me faire des propositions de mariage. » Élisa sourit encore, puis, sérieusement, elle répondit que, malgré son étrangeté, l'offre de M. d'Astorre était noblement généreuse, mais qu'elle ne pouvait consentir. Cette proposition extraordinaire ne l'effaroucha pas, mais elle la trouva inexécutable. Toutefois, elle se sentit profondément touchée, et bien plus qu'elle ne sut l'exprimer. Souriant, Massimo insistait d'une façon tantôt énergique, tantôt enjouée. « Non, c'est impossible, » répéta Élisa. « Vous finirez bien par le comprendre. Refuser, même si je dois paraître sottement ingrate, est mon devoir. Il y a encore un motif. » Plus sérieux que tous les autres, que je dois avoir le courage de vous avouer. » Ils furent interrompus par la brusque entrée de Madame Valenti. « Ah, te voilà, » dit-elle à sa fille, « je t'ai cherché partout. C'est Donna Maria qui vient de me dire que tu t'es ici avec le marquis. Tu n'es donc pas allée en voiture avec les autres? Eh bien, je vous approuve. Ces promenades à la longue, c'est toujours la même chose, et il commence à faire un froid au retour. Je trouve que c'est pire qu'en hiver. » Cette nuit-là, Élisa ne put fermer l'œil. La proposition étrange et inattendue de d'Astorre, l'horizon tout nouveau qui s'ouvrait devant elle, lui remplissait la tête de pensées confuses. Elle ne pouvait en douter, Massimo parlait sérieusement. Il avait trouvé le moyen de se tenir parole. Il la sauvait. Gorletti, l'horrible cauchemar des derniers mois, pouvait ne plus revenir. Car elle en était bien sûre, sa mère n'hésiterait pas un moment à lui manquer de parole. Élisa n'avait qu'à prononcer un mot pour éviter le précipice qui s'ouvrait depuis si longtemps devant elle, inévitable. On lui offrait une vie calme, tranquille, indépendante, entourée de tous les conforts du luxe, et en l'acceptant, elle aurait le bonheur négatif auquel elle pouvait encore aspirer, et cela en rendant ses parents fous de joie. La tentation était forte. Une solution bizarre, magnifique, que l'imagination n'eût presque pas su trouver et dont l'espoir eût été absurde, s'offrait tout à coup pour résoudre le problème insoluble de sa destinée. Mais comment pouvait-elle accepter une proposition aussi bizarre et trop généreuse, elle, dont le cœur ne vivait que d'un souvenir inoubliable, elle, dont un secret chéri et douloureux remplissait la vie monotone? D'Astorée ne lui inspirait plus maintenant la moindre défiance. Il lui semblait avoir compris tout à coup les côtés les plus nobles de cet homme, dont la mauvaise réputation était l'œuvre de gens qui probablement ne le valaient pas. Mais étant ce qu'elle était, pouvait-elle accepter, dans des conditions si peu communes, et même pour le monde seulement, la main d'un homme qui ignorait son passé? Le récit de sa vie, sa confession complète, ne suffirait-il pas à lui faire comprendre la nécessité d'un refus de sa part? Elle le croyait. Elle sentit qu'elle devait la faire, car il méritait sa confiance tout entière, cet homme élégant, léger, blasé, cynique, qui seul avait su l'aider, qui voulait la couvrir de bienfaits, lui qu'on classait comme le plus froid parmi les indifférents. En attendant, tout le monde s'occupait de Massimo et de sa conduite envers Mademoiselle Valenti. On ne parlait plus que de cela à la villa. La marquise commençait à s'inquiéter. Avec moins de malignité que les autres, elle se posait cependant aussi cette question : quel peut être son but ? Quant à Donna Maria, elle ne pouvait se contenir. Elle séchait en effort pour ne pas parler, puis éclatait tout à coup. « As-tu vu ? » disait-elle à son mari. « Ils étaient encore ensemble hier dans le boudoir du fond. Cela n'a pas de nom. » Qui l'aurait cru de la part d'un homme aussi blasé ? « Car enfin, Elisa est une excellente enfant, j'en conviens, et jolie, si on veut. Mais après tout, que peut-elle avoir de si intéressant ? Surtout, ah, Donna Maria ? » disait le docteur, « l'amour ne raisonne pas. » Mais enfin, est-il amoureux, ce sournois de D'Astorée ? Savez-vous mon idée ? Tout cela finira très mal. Vous imaginez-vous donc qu'il y ait quelque chose de sacré pour des rouées de cette espèce ? Et malgré tout, Elisa est toujours triste et silencieuse, observa Terzi. Oh, quant à cela, tu sais, quand on a eu des histoires comme elle en a eu, on a de quoi y réfléchir pendant longtemps. Le lendemain, Elisa répéta à Massimo qu'elle lui serait toujours profondément reconnaissante, mais qu'elle ne pouvait consentir. « Si je voulais, dit Massimo, je pourrais parfaitement me passer de votre consentement. Je n'aurais qu'à parler à votre mère. C'est pour le coup qu'il vous serait impossible de refuser. Mais si je vous sauve, je ne veux pas que ce soit malgré vous. » Madame Valenti, en effet, était dans un état extraordinaire de tension nerveuse. Elle avait la fièvre, ne sachant si elle pouvait espérer, par moments remplie de crainte, puis s'abandonnant à des rêves inouïs qui lui semblaient prêts à se réaliser, dont elle se réveillait pour se dire qu'elle rêvait. Cependant, elle continuait, comme elle avait commencé, à jouer son rôle avec une prudence extrême. Mais si on la voyait tranquille et souriante à l'extérieur, elle n'en était pas moins agitée intérieurement. Elle tâchait de savoir ce qu'on disait autour d'elle, et de deviner par les attitudes des autres ce qu'ils pensaient sur la question qui la passionnait. Elle en était troublée, se disant avec frayeur que si cet état d'incertitude rempli de joies entrevues et de difficultés possibles allait se prolonger, elle en deviendrait folle. Massimo avait donc bien raison de parler à Elisa comme il le faisait. Mais Elisa s'arma enfin de tout son courage et lui dit « Il faut que je vous fasse ma confession entière. Vous jugerez ensuite vous-même. Je dois vous raconter toute ma vie. » Alors, loyalement et dignement, d'une façon simple et brève, sans rien omettre et sans rien agrandir, sans vouloir ni s'accuser ni s'excuser, elle lui dit tout ce que nous savons déjà, la triste histoire de son passé. Et elle lui avoua que cet amour inoubliable ne sortirait jamais de son cœur, que jamais elle n'aimerait rien au monde et qu'elle resterait toujours et complètement fidèle à l'absent qu'elle ne devait plus revoir. Lui avait manqué à sa parole par nécessité et elle trouvait cela si tristement naturel qu'elle n'avait pas besoin de lui pardonner. Mais elle l'aimerait toujours et resterait toujours la même. Elle l'aimerait éternellement, tout en ayant la certitude absolue qu'aucun espoir n'était possible. La dernière nouvelle qu'elle avait eue de lui était la nouvelle de son mariage et de son établissement définitif à Calcutta. Il reviendrait, du reste, qu'elle ne voudrait pas le revoir. Jamais elle ne serait à lui, mais son cœur lui appartiendrait toujours. Quand elle eut fini, Massimo lui prit les deux mains, les baisa l'une après l'autre et lui dit « Elisa, tout ce que vous venez de me raconter si franchement et si noblement ne fait qu'augmenter l'estime profonde et la respectueuse affection que j'ai pour vous. Je suis un pécheur endurci, et mon cynisme dans la vie vous effraierait. Le monde m'a rendu bien sceptique, et je crois facilement au mal et rarement au bien, mais les exceptions prouvent la règle, et dans ce monde bas, vulgaire et méchant, vous êtes une magnifique exception. Je le vois, moi, qui ne me trompe pas. Votre récit me prouve plus que jamais combien j'ai raison de vouloir faire ce que j'ai décidé d'accomplir. Je le désire maintenant 100 fois plus qu'auparavant. Je le ferai même malgré vous. Mais vous consentez, n'est-ce pas, puisque les obstacles que vous croyez insurmontables me font au contraire qu'affermir ma résolution. Je vais bientôt m'amuser de l'étonnement général quand on saura qu'il va y avoir une marquise d'Astorre. Nous rirons bien. Mais cependant, ma chère enfant, pas un mot de plus, c'est décidé. » Peindre la joie de Madame Valenti quand elle sut que ses plus folles et absurdes espérances allaient se réaliser et que sa fille allait conquérir une des plus hautes positions qu'il fût possible d'ambitionner en Italie en épousant un homme qui, malgré sa conduite, était le rêve doré et inaccessible de toutes les femmes, est chose trop difficile. Elle eut toutes les peines du monde à ne pas en parler, car on avait décidé de tenir la chose secrète pendant quelque temps, d'abord à la prière de Massimo et pour éviter les commérages, ensuite par égard pour M. Gorletti, bien que Mme Valenti lui écrivît pour lui donner son congé très cavalièrement, sous prétexte qu'il avait été impossible de vaincre l'obstination de sa fille. Et comme elle bénissait Elisa d'avoir tant résisté, comme elle lui semblait supérieurement intelligente, quel bonheur qu'elle eût toujours refusé tous les partis. Elle ne pouvait se rassasier de l'embrasser et la choyait d'une façon à la fois maternelle et servile, se faisant à l'avance toute petite devant elle, tandis que, remplie de son grand secret, elle ne pouvait s'empêcher de se montrer avec les autres gaie et orgueilleuse. La marquise fut excessivement étonnée quand son neveu lui confia sa résolution, sans toutefois lui dire l'exacte vérité. Il lui avoua cependant que son but principal était de sauver Elisa, en ne niant pas trop, en réponse aux questions détournées de la vieille dame, qu'il comptait ne pas abdiquer son indépendance et que sur ce point, lui et Madame Valenti étaient parfaitement d'accord. Elle entrevit un peu la vérité, mais ne comprit pas tout à fait. Et l'idée de ce mariage lui sembla, au fond, une nouvelle folie de Massimo, différente des autres, bien qu'elle s'en réjouît d'un côté. La curiosité de Donna Maria et des autres ne fut pas satisfaite. Ils ne surent rien de ce qui se passait et, certes, malgré toutes leurs conjectures, ils ne devinèrent pas. Ce qui les étonna plus que tout le reste, ce fut le départ de Massimo, bien plus étrange encore que son arrivée. Un beau matin, après une paisible soirée, pendant laquelle on avait seulement observé qu'il paraissait de plus en plus intime avec Elisa et Madame Valenti, tout en remarquant qu'on ne parlait plus du tout du retour de Gorletti, la marquise, à déjeuner, annonça que son neveu avait dû partir le matin, sans qu'elle sût elle-même pourquoi. Madame Valenti rayonnait.